Ouais, Schlams. Ouais, mon copain, ça va ou quoi? La forme, ouais, ça se passe. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Alors, ouais, toi, les meutes. Ouais, ben ça va sortir là, tu vois. Voilà. Faut pas bire les mains, hein. Dom Léon, Dom Léon, l'Arte Rouge, Gros Style, Clambla, Clambla, ADSS, MC Halloween, BAK, BAK. Le square, quoi, la plus bonne. Les gens, ils blaguent, ils croient qu'on va pas s'en sortir, mais t'inquiète, ça va sortir, man. Moi, je te le dis, ça va sortir. Les meutes. Ouais, ça va sortir, les meutes. Ouais, ouais.